chômage. Nique les langues de pute, nique les langues de pute. Biade, nique les langues de pute, nique les langues de pute. Nique les langues de pute, nique les langues de pute. Raidas, nique les langues de pute, nique les langues de pute. Chômage, nique les langues de pute, nique les langues de pute. Biade, nique les langues de pute, nique les langues de pute. Si tu kiffes pas, au loin t'écoute pas et puis c'est tout. Certains parlent pas, me disent t'arriveras pas. Moi je m'en bats, je les écoute pas. J'avance pas à pas, bientôt m'appelleront papa. De toute façon, je rappe pour l'amour du son, issu des bas-fonds. Montpellier, la Westside, toujours sous Dylan. Dans mon délire, tous die. Moi je m'en fous, fou, je rappe ce que j'aime, tout comme mes problèmes. Peu importe le thème, donc je te demande pas si t'aimes ça. Donc check ça. En provenance du South, de la France, le son qui te bat te met en transe. Attention, je débarque, bah, crois pas que je plaisante. Ce qu'on t'aurait été là, t'inquiète, je représente ceux qui m'ont tant donné, ça depuis tant d'années. Hey, aujourd'hui j'avance la tête haut. Je m'en bats ce que les gens pensent, je reste au niveau. Si tu veux savoir qui je suis, écoute bien ce qui suit. Dans sa bien, j'ai pas de pas à main. Écoute bien, fais d'où ça vient et check ce refrain. Nique les langues de pute, nique les langues de pute. Raidas, nique les langues de pute, nique les langues de pute. Chômage, nique les langues de pute, nique les langues de pute. Biade, nique les langues de pute, nique les langues de pute. Nique les langues de pute, nique les langues de pute. Raidas, nique les langues de pute, nique les langues de pute. Chômage, nique les langues de pute, nique les langues de pute. Biatch, nique les langues de pute, nique les langues de pute. Nique les langues de pute qui pensent qu'à Jacques t'es sur mon dos. Nique les langues de pute qui viennent pour critiquer mon flow. Mes couilles dans mon calbut, ouais c'est ça, t'as bien connu Joe. On nique les langues de pute en full feu, oh my con est chaud. Ça passe en temps à mal parler, une fois en face c'est mal barré. Oh les MC arrêtez. Prenez pas le mic pour mal rapper. À l'écoute de ce son, prends-moi suceur, tu vas me rappeler. Appelle-moi The Teacher et prépare ta petite chat. C'est une lyrical big charge dans ta gueule pleure nichard. Viens pas critiquer mon son, puis d'abord quitte tes garçons. J'ai pas compris, dis-moi pourquoi t'as quitté le façon. Si t'aimes pas un bête, écoute pas le son. Mais pendant le benson, ne coupe pas le son. Tu reconnais bien là le style aussi de deux mauvais garçons. Bavé, bavé, chez certains c'est inouï. Reste à bavé, bavé, eux n'avancent pas mais nous oui. Olé, ramé, ramé, comme nous défonce un pack sans oui. Mon mic, ramé, ramé, j'vais tout baiser, ça c'est promis. Nique les langues de pute, nique les langues de pute. Raidas, nique les langues de pute, nique les langues de pute. Chômage, nique les langues de pute, nique les langues de pute. Biade, nique les langues de pute, nique les langues de pute. Nique les langues de pute, nique les langues de pute. Raidas, nique les langues de pute, nique les langues de pute. Chômage, nique les langues de pute, nique les langues de pute. Biade, nique les langues de pute, nique les langues de pute. Ils ne viennent jalouser mon son, mais est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Mais eux n'ont rien dans le caleçon, yes, leur boutique enfermée. Dans notre son, mec, tout y est. Parle pas, viens pas nous titiller. Débarquez pour tout piller, tout plier. Oh, vous allez tous crier à l'écoute de ce son, on va vite oublier. Vous êtes déjà tous grillés. Avant tout, c'est une passion, on n'est pas là pour briller. Non, t'inquiète, on fait notre jet. Tu vois qu'on est trop à l'aise. T'as remarqué qu'on est balèze. Normal, t'en viens mal à l'aise. Yeah. Non, mais franchement, je vous remercie pour ce petit coup de pub. Joe H. Raidas, nique les langues de pute. Arrêtez tous votre flux. Je sais que c'est même trop votre truc. De tendre le Hulk et de se prendre pour Hulk. T'inquiète, le beat on le scène. Rime bonne ou malsaine. Éduqué à bonne enseigne. West Side, t'inquiète, ça t'engraine. Et fuck les langues de putain. Qui Jacques du soir au matin. Raidas, Joe H. On s'empare du putain. Nique les langues de pute. Nique les langues de pute. Raidas, nique les langues de pute. Nique les langues de pute. Joe H. Nique les langues de pute. Nique les langues de pute. Biade, nique les langues de pute. Nique les langues de pute. Nique les langues de pute. Nique les langues de pute. Raidas, nique les langues de pute. Nique les langues de pute. Joe H. Nique les langues de pute. Nique les langues de pute.